Le lendemain, 11 juin, Franck décide, avant de quitter Werst, de faire un détour par le château. Il y arrive avec Roscoe, mais par le côté nord, et après une longue et dangereuse escalade à travers les rochers. « Mon maître, dit Roscoe, le soir est venu, il est temps de partir. Le plateau d'Orgal est déjà obscur. Mon maître, venez donc, répéta Roscoe. » Et Franz allait enfin le suivre, lorsque sur le terre-plein du bastion, où se dressait le hêtre légendaire, apparut une forme vague. C'était une femme. Oui, et c'était la Stila, immobile, les bras dirigés vers le jeune comte, son regard si pénétrant, attaché sur lui. « Elle, elle » s'écria-t-il. Et se précipitant, il eut roulé jusqu'aux assises de la muraille, si Roscoe ne l'eût retenu. L'apparition s'effaça brusquement. C'est à peine si la Stila s'était montrée pendant une minute. Peu importait, une seconde eût suffi à Franz pour la reconnaître, et ses mots lui échappèrent. Elle, vivante.